Les masses médias de divers pays et régions ont rapporté du 13 au 20 février les nouvelles des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, le journal cubain Glama, la télévision birmane, les homepages d'internet de l'association d'amitié avec la Corée et de la filiale polonaise de l'association d'amitié avec la Corée ont fait part de la visite au palais du soleil de Kumsusan par le dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Les journaux Dagombao et South China Morning Post et la télévision satellitaire finissent en Hong Kong de Chine. Les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme et kimjongnisme et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen séjant au Nigeria y ont ajouté la nouvelle de sa présence au Rassemblement national consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Le journal russe Zavtra, le journal Asia Khabar Daily et l'agence de presse d'internet Voice of Millions de l'Inde, le journal népalais Arfan, l'égyptien Egyptian Mail, les homepages d'internet de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des états du Jutsé et de la politique de Sengun, de l'Association d'amitié Népal-Corée, du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme et kimjongnisme, du Comité national d'études des états du Jutsé du Congo démocratique, du Cercle d'études du kimilsonisme et kimjongnisme de Bulgarie, du Cercle d'études des états du Jutsé de Basque de l'Espagne, ont informé que le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé sur place le tir d'essai du modèle Puksong 2, engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol. Les masses médias ont présenté les photos du maréchal coréen.